Il est midi. Pendant l'épidémie, quels que soient vos problèmes de santé, faites-vous soigner. Que ce soit en téléconsultation ou sur place. En cabinet ou dans les hôpitaux, tout est organisé pour éviter les contaminations. Continuez à prendre vos médicaments et ne reportez pas les examens qui vous sont prescrits. Si vous êtes enceinte ou si vous avez un bébé, maintenez les rendez-vous de suivi et les vaccinations obligatoires. En cas d'urgence, appelez immédiatement le 15. Retrouvez plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance maladie et de Santé publique France. Avec sa petite gueule de petit basané, il y avait du bien et du moins bien être un peu trop bronzé. Il a jamais trop galéré avec les coups de soleil. Mais Ali n'est pas Alice au pays des merveilles. Vit en France là où on peut lire sur les murs les noirs et les bougnous l'a jeté aux ordures. Mais du haut de ses 15 ans avec son pote Kader, il a tagué juste en dessous Le Pen va niquer ta mère. Il a connu les galères sur les bancs de la cité, les joies et les plaisirs, les contrôles d'identité, les délits de faciès, les portes blindées des discothèques, les tours à 15 étages où faut pas traîner sous les fenêtres. La frustration de naître qu'un prolétaire en HLM lorsqu'à la rentrée des classes, les cahiers ne sont pas les mêmes. Les étés au quartier, loin des plages, des marchands de glace, sous l'ombre, les tours, il paraît long le temps qui passe. Elle dit comme ça, mon fils, c'est la vie, non, faut pas s'en faire. Tu verras, tu verras, tu verras, y'a plus malheureux que toi sur cette terre. Elle dit comme ça, mon fils, c'est la vie, non, faut pas s'en faire. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, ça fait pile un an qu'on attendait ça, nous sommes de retour dans le studio de Radio Campus. Ouf, c'était pas mal à ce baraque, mais quand même, on est bien ici. Et ce samedi 20 février, il est midi à l'horloge du studio et vous êtes à l'écoute d'Angle d'Attaque, une émission proposée par Attaque Métropole. Attaque A2TAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Pour vous servir, en raison du confinement, une équipe restreinte, Florent à la technique et à la réalisation, et deux anciens, fondateurs même, René La Science et Christian. On va donc devoir se débrouiller à trois, mais on l'a déjà fait. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? De grands projets inutiles et imposés. Expression forte pour signaler aux pouvoirs publics qu'ils font un peu trop ce qu'ils veulent avec nos impôts et qu'on ne peut pas, et qu'on peut ne pas être d'accord avec un certain nombre de projets d'investissement. Que, primo, ils ont décidé tout seuls, deuxio, c'est avec notre pognon, et tertio, ils peuvent aussi être carrément nocifs pour la société. Et on fera le détail des nocivités. Donc, quels sont ces grands projets inutiles et imposés ? Qui les décide ? Quelles sont leurs caractéristiques ? Qui les compte ? Comment s'y oppose-t-on aujourd'hui ? Voilà les questions que nous poserons au long de cette heure. Pour illustrer notre propos, rien de mieux qu'un exemple. Exemplaire celui-là, le projet Tropicalia. Et qui mieux qu'elle pouvait en parler à Angle d'Attaque ? La présidente d'Attaque Flandre, bien sûr, opposante de la première heure, Martine Mine. Bonjour Martine, comment vas-tu ? Bonjour Christian, bonjour René, bonjour Florent. Bonjour. Bonjour aux auditeurs de Radio Rencontre. Ça va très bien, ça va très bien. Je suis prête à répondre à vos questions. Très bien, et bien justement, René va te poser une première question. Oui. Alors, Tropicalia, de quoi s'agit-il ? On nous dit que c'est la plus grande serre du monde, etc. Et depuis combien de temps es-tu dans les tuyaux ou connais-tu ce projet ? Comment as-tu eu connaissance ? Alors, Tropicalia, je vais vous présenter en quelques mots. Hein. C'est la plus grande serre tropicale du monde qui va atterrir dans le Pas-de-Calais. C'est le résultat de projets fous de deux personnes, hein, Monsieur Guérin et Monsieur Fourcroy, pour pas les nommer, les deux porteurs du projet. Donc c'est une serre qui va faire 20 000 mètres carrés, soit 320 000 mètres cubes, sur un terrain de 10 hectares. avec un, elle sera surmontée d'un dôme transparent qui va culminer à plus de 30 mètres de hauteur. Alors, sous ce dôme, il y a une reconstitution dans l'atmosphère tropicale avec des élevages d'animaux, de plantes et tout ça à 28 degrés toute l'année. Alors, les animaux, ce seront essentiellement papillons, oiseaux, poissons, raies, reptiles, hein, de petits animaux. Ouais, il n'y aura pas de mammifères. Il n'y a pas de lion ni d'éléphant, c'est ça? C'est pas prévu. C'est pas prévu pour l'instant. Hein. Pour l'instant. Donc, avec cette serre, bien sûr, il y aura parking, hôtel, resto, boutique, les prairies, auditorium. Voilà. Donc, toute cette serre, elle est située sur un terrain de 71 hectares à côté de Berck-sur-Mer. Donc, je pense que les gens de la région lilloise connaissent bien. Berck-sur-Mer, oui. La baie de Somme, hein, qui est quand même classée grand site de France. Mmh. Voilà. Je peux encore vous répondre si vous avez d'autres questions sur vraiment la présentation pure et simple de Tropicalia. Bon, oui, effectivement. Alors, je peux vous dire en quelques mots les vocations de Tropicalia pour les porteurs. Voilà, oui, c'est ça. Oui. Voilà. Donc, c'est offrir une expérience immersive dans le milieu tropical au plus grand nombre, en particulier pour les personnes n'ayant pas la possibilité de voyager sous les tropiques. C'est sensibiliser les visiteurs au respect de la nature et de la biodiversité par l'émerveillement. C'est bien sûr, s'inscrire dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est soutenir le développement d'une économie circulaire et de tourisme durable dans notre région. Voilà, c'est mettre aussi en place un centre de recherche scientifique. Voilà. Et je vous en passe des meilleurs. Et dis ça sans rire. Et on insiste. Ah oui. Oui. Pardon. Non, je t'en prie. Il dit ça sans rire, en fait. C'est ce que je viens de vous dire, c'est dans la déclaration d'intention. Hein. Oui, c'est donc très bien les objectifs que tu as lus. Ce qui est étonnant, si tu veux, c'est qu'on ne peut pas ne pas le dire. Enfin, moi, rien que le mot Tropicalia a une espèce de parfum nauséabond de colloidalisme. Défini comme ça par une de nos amis du collectif, on dirait la foire internationale, quoi, hein, celle qui a eu lieu il y a quelques années. Hein. Dans les années 30, aussi, oui. Ça a été aussi qualifié comme ça. Hein. Ça m'étonne pas, on doit être un certain nombre à penser la même chose. René va te poser une question. Oui, alors d'après leur... la manière dont ils présentent le projet, donc ils insistent beaucoup sur le social et l'écologie et le développement durable, etc. Mais il y a une enquête publique. Quel a été le résultat de cette enquête? L'enquête publique est validée. Hein, oui. Il y a un permis de construire là, qui a été déposé. Avec tous les accords, hein, de toutes les institutions. Par contre, il y a un recours qui a été déposé par l'association GEDAM. Ah oui, par le GEDAM. Alors, le GEDAM, c'est une grosse association locale qui est connue depuis 1972 quand même. Et elle est vraiment une association locale, qui agit sur 80 communes, qui effectue des sorties guidées aussi, qui est connue et qui a un gros pouvoir quand même au niveau institutionnel et au niveau juridique. Hein. Et c'est eux qui ont posé donc le recours, effectivement, oui, en direct. Ils ont intérêt à agir. En considérant que l'enquête publique était insuffisante parce qu'elle ne concernait qu'un périmètre très restreint. Voilà. Oui. Donc dans l'enquête publique, moi dans le recours, il y a deux gros griefs. Hein. Il y en a plusieurs, mais il y en a deux gros griefs. En particulier, cette histoire-là de terrain. L'enquête publique était faite sur un terrain de supérieur à... Bah, l'enquête, c'est même pas une enquête publique, hein, c'est une consultation publique. Hein, ah oui. Parce que l'enquête publique se fait sur une assiette supérieure à 10 hectares. Là, le promoteur, pour eux, ils disent que l'assiette est supérieure à 10 hectares. D'accord ? Oui. Puisqu'ils auraient éventuellement oublié un terrain dédié au remblai dedans. Mmh. Et en plus, il y a le saucissonnage du projet, de l'enquête, comme souvent ça arrive dans toutes ces grosses enquêtes publiques, hein, il y a un découpage parcellaire du projet, avec l'inclusion d'un hôtel de 2,4 hectares qui n'est pas compté dans cette enquête publique. Oui. Bien sûr. Alors qu'elle fait partie intégrante du projet. Oui, ben il n'y a pas de serre. Si on attend autant de monde, on va voir le nombre attendu, mais l'hôtel devient effectivement un élément central du projet, de toute façon. Il fait partie du permis de construire. Il fait partie du permis de construire en plus, d'accord. Ah oui. Oui, oui, il est déposé en même temps. Oui, il fait partie du projet. Hein. Mais par contre, il était parcellé, hein, l'enquête. À chaque fois, c'est la même chose. On a connu ça plusieurs fois ici, même sur le Dunkerquois. C'est saucissonnage d'enquête. Hein. Voilà, donc ce recours gracieux a été déposé en décembre 2019. Hein, et bien sûr, il a été rejeté par les maires, donc de Verton et de Rang-du-Fuillé. D'accord. Suite à ça, il y a eu un autre recours qui a été déposé, lui, en mars 2020. Voilà, ça, c'est un recours qui a été déposé devant le tribunal administratif de Lille, qui n'est pas substantif. Oui, qui n'est pas suspensif, oui. Oui, suspensif, pardon. Donc, ils peuvent continuer de travailler. Alors, on a vu que... Oui, on avait aussi une question sur les animaux, là. Est-ce que le projet présente des risques ? Oui. Alors, bien sûr qu'il présente des risques et de toute façon, ça a même été bien signalé. D'ailleurs, on en a parlé puisqu'on a parlé du projet Tropicalia dans l'émission La Terre au Carré. Hein, je ne sais pas si vous avez entendu. Oui. Donc là, il y a une intervention de Philippe Sansonetti, un microbiologiste, qui lui, il affirme. Et de toute façon, à partir du moment où on mélange, on fait venir des espèces tropicales ici dans le Nord-Pas-de-Calais, automatiquement il y a un choc, hein, il y a de toute façon, et on ne peut pas du tout garantir l'imperméabilité du dôme, hein, ça c'est pas possible, hein. Oui. Pour lui, automatiquement il y aura échange entre ces deux écosystèmes. Oui, notamment au niveau des micro-organismes, je crois que c'est tout à fait. Voilà. Ils ne sont pas forcément pathogènes, hein, mais au moins, mais de toute façon, c'est sûr. Alors que les porteurs disent non, que ça ne sera pas possible. Mais voilà. Les micro-organismes, je veux bien, mais comment ils se transmettent ? Explique un peu, ou là, René, peut-être. Bah, vu leur taille, ils arriveront à passer par les... Il y a toujours quand même des interstices ou... Par le sol, alors. Par le sol, par le sous-sol. Et puis aussi, il y aura des sas, je suppose, mais ça ne suffira pas à empêcher la propagation de bactéries, etc. Enfin, du moins, je pense que c'est ça. Qui se transmettent par les habits, en plus, ce que j'ai compris. Oui, les visiteurs aussi qui... Alors, tu nous as dévoilé scandaleusement les noms des promoteurs sur nos antennes. Pas scandaleusement, ils s'affichent, hein, de toute façon. Non, mais c'est pour ne pas les citer, tu les cites, donc c'est la pratique habituelle. Bon, alors, on sait que c'est un projet privé. Alors, c'est quoi les montants ? Alors, on a lu des chiffres très, très différents, en fait. Alors, les chiffres officiels, hein, je vais donner les... C'est-à-dire qu'il y a eu deux conventions. Il y a eu une convention et après un avenant à la convention. C'est pour ça que les chiffres se répercutent, si tu veux. Hein. Mmh. Donc, il y a eu une convention qui a été faite en mars 2019 et un avenant, une sorte d'avenant, en octobre 2019. D'accord. Avec l'ajout à cet avenant de si je me trompe pas de tête, ça doit être une vingtaine de millions. On en est à compter des vingtaines de millions nous maintenant, tu sais bien. Ouais. Une vingtaine de millions pour l'aménagement extérieur qui a été intégré directement au premier budget. Le premier budget faisait état d'un projet de 50 millions d'euros. Alors le dernier, donc officiellement le dernier, est estimé à 73 millions d'euros, qui sera financé à 17% par des emprunts publics. L'ADEME FEDER, 10 millions en cours, mais là on attend encore, on n'a pas d'autres infos. Pour nous, on ne sait pas si c'est en cours. Il n'y a rien qui nous prouve actuellement à ce jour que c'est en cours, au contraire. La région va faire un prêt de 2 millions d'euros. Là, par contre, il y a une délibération qui était rendue en mars 2019. Et il y a une communauté de communes, une communauté d'agglo des 2B du Montreuil-Ouest, donc communauté commune, qui fait un prêt aussi de 400 000 euros. Il y a une délibérée en novembre 2019. Donc ça, c'est officiel. Après, il y a un emprunt auprès d'une banque d'investissement anglaise de 46 millions. Qui est d'ailleurs alors une... là par rapport à cette banque d'emprunt de 46 millions, c'est très opaque, pour pas dire très très très flou. Dernièrement, il y a un journaliste qui est d'ailleurs venu notre dernière mobilisation le 6 février, il a fait une enquête sur cette banque qui n'y paraît pas très claire. Allons bon, on ne peut pas imaginer des choses comme ça, enfin, quand même. Non, c'est pas possible. Non, nous, de toute façon, tu sais bien, vous savez bien, on ne fait jamais de procès d'intention. Mmh. Hein. Oui, c'est ça, oui, en effet. Oui. Voilà, donc... On ne peut pas ne pas être surpris de cette histoire de l'ADEME, en fait. Hein. D'abord, s'adresser à l'ADEME pour faire un projet sur 28 degrés toute l'année. Alors, il y a peut-être des techniques super développées, mais c'est ce qu'ils disent. Mais quand même, il manque pas d'air, quand même, si j'ose dire, de s'adresser à l'ADEME pour leur projet. Alors, donc, on est bien dans du financement public qui ne représente pas rien, quand même, hein, s'ils y arrivent. Hein, parce que je ne sais pas quel pognon ils mettent là-dedans. Moi, si c'est 46 plus 10 plus 2 plus 0,4, ça fait les trois quarts du projet quasiment. Oui. Il manque 14 millions d'apports en capital. Je ne sais pas qui les fait. On parlait d'investisseurs privés sans plus de détails pour les 14 millions. Non, alors, donc, on ne sait pas. On va dire qu'il y a un certain flou. Sur l'aspect financement. Oui, d'autant plus que là, il est même affirmé, puisque les promoteurs ont déclaré ces derniers temps, dernièrement, que de toute façon, ils n'allaient pas en dire plus, puisqu'ils savent que nous, on va un peu chercher, on va un peu les embêter, quoi. C'est tout à fait normal. On voudrait qu'ils s'affichent pour justement leur expliquer exactement ce que nous, on pense. D'autant plus qu'on a quand même fait des actions qui sont nationalement maintenant reconnues, quand même, qui ont quand même une belle presse nationale, internationale, d'ailleurs, dans ce cas-là. Et on a fait notre dernier appel qui a quand même été signé par pas mal de gens, disons, médiatiques et bien connus, représentatifs quand même de tous les partis politiques, de toutes les associations, de toute la société civile aussi. Donc, voilà. Notamment Reporter, où il y a eu plusieurs articles déjà. Oui. Reporter nous suit depuis, on va dire, le début. Libération, Le Figaro aussi. On a des beaux articles dans la presse, là, dernièrement. Il disait quoi, Le Figaro ? Ah, Le Figaro, un projet, j'ai plus le titre exactement, mais je crois que c'était un projet d'aberration. Ah, quand même. Oui, c'était une série d'aberrations où je ne sais plus exactement, je vais retrouver, mais je ne sais plus exactement le nom du titre, du dernier titre sur deux pages quand même. Oui, c'est quand même assez important. Oui, en effet. Donc, il y a la presse écrite, et pas rien, Figaro et Libération, tout opposé qu'ils soient, enfin, si on peut dire, c'est quand même des journaux qui sont lus, quoi. Hein, oui. Et puis, bon, il y a eu la... J'ai vu France Inter aussi, il me semble. France Culture également. Ouais. Là, on attend M6. Ouais, on a eu déjà un rendez-vous avec M6. On attend aussi... Je suis en train de chercher Libération. Bah, la Voix du Nord, hein, localement, oui. C'est quand même été bien porté par la Voix du Nord. Hein, Alors, la Voix du Nord, oui. Régional, c'était porté. On sent aussi dans les 10, au fur et à mesure du temps, depuis 2018, une certaine, un certain parti pris pour nous par rapport aux premiers articles. On sent quand même qu'il y a une tendance à venir vers nous. Pas contre la presse locale, là, tout est contre nous, tout est pour le projet, ça. Oui, d'accord, quand même. Ouais, la presse locale, bon, là-bas, c'est le réveil. Je sais plus exactement. Le réveil de Berck ou un truc comme ça, je m'en rappelle plus trop, l'article. Mais là, vraiment, là, c'est... Ils sont inféodés aux élus locaux, en quelque sorte. Tout à fait. René, t'as un de ses vocabulaires. C'est pas possible. Voilà, ça doit être ça. ACOD. Bon terme. On n'ose pas aller jusque-là, nous, vous savez. Hein. Dis-nous un peu plus du collectif, parce que là, j'ai lu qu'il y avait 35 ou 38 associations dedans. Là. C'est quand même pas rien. Ouais. Et puis, tu nous as parlé effectivement déjà lors de la manifestation du 6 février, on avait quand même un bel éventail de gens qui sont concernés et qui sont reconnus en plus. Oui. Alors, le collectif, Donc, je vais faire un petit peu historique assez rapidement. Il s'est monté. En 2018-2019, autour de gens, un petit peu, il y a encore une fois un groupe de gens qui s'appelle les Ébouriffés, hein, sur Arras, Saint-Omer, qui s'est scandalisé par rapport à ce projet, aussitôt qu'ils l'ont vu dans la presse un peu apparaître. Mais au départ, c'était vraiment la presse spécialisée, hein, et très locale ou spécialisée. Moi, tout de suite, c'est pareil. J'étais un petit peu tout de suite du début. J'étais avec eux aussi. Donc, ce collectif, il y a eu une vingtaine d'associations qui se sont réunies autour d'eux et surtout autour du GEDAM. Le GEDAM, j'ai pas dit ce que ça voulait dire. Ça veut dire Groupement de défense de l'environnement dans l'arrondissement de Montreuil. Voilà, hein, d'accord. Mmh. Voilà exactement l'appellation exacte, qui a quand même 180 adhérents et 3 salariés permanents. Hein. Mmh. Donc on s'est regroupé autour de GEDAM pour établir ces fameux recours et se partager un peu le travail, comme on dit, hein, voilà, ces différentes spécialités. Donc on s'est monté, on était une vingtaine. Ça c'était jusque mars 2020. Aussi autour du GEDAM, toujours une vingtaine, et une fois que le collectif est sorti, on a commencé, nous, à prendre possession, on va dire, des médias. Moi, des médias et surtout des réseaux sociaux aussi également, tout en étant sur le terrain, hein. Donc, le collectif est monté, 38 associations. Alors, je peux vous en citer quelques-unes quand même, qui sont quand même reconnues, hein, GIR pour l'environnement, la DELFA, qui est quand même une fédération d'une trentaine d'assos sur le Dunkerquois, EVE, Alternativa, Amis de la Conf, Amis de la Terre Nord, ANV Com 21, Artisans du Monde, ATTAC, Boulonnais, Flandre, Confédération Paysanne, Extinction Rébellion, France Nature Environnement, qui nous a rejoint un peu plus tard. Génération Future aussi, Gone, Greenpeace, LPO, Novicen aussi, vous connaissez aussi Novicen. Ah bah quand même, oui. Donc au niveau local, voilà, ça c'était les premières assos qui ont rejoint le collectif après et qui ont permis d'agrandir ce collectif non à Tropicalia, qui est né là, donc à peu près en juin, on a commencé à monter des opérations un peu partout. On a été aussi aidé, du coup, là, par des actions qui ont été, elles, montées par d'autres collectifs ou de groupes de personnes. Il y a une grosse opération qui a fait aussi couler beaucoup d'encre qui s'appelait Tropicazad. Donc, qui s'est déclaré, qui a fait déclaration de ZAD, au moins, pas vraiment. Éventuellement, prochaine déclaration de ZAD, on va dire, sur le terrain, à Rendu-Fuyer. Et après, une opération d'XR, Hauts-de-France, là aussi, sur le terrain, qui a planté un potager. Oui, qui a eu quand même un petit retentissement, même au niveau national, hein, ces deux groupes et ces deux actions. D'accord. Alors, ça a encore une fois boosté la com, ça a encore une fois boosté la presse. Oui, mais quand même une question. Hein, on est allé, sur ton invitation d'ailleurs, on est allé le 6 février là-bas, on a vu qu'il y avait beaucoup de monde. Enfin, beaucoup de monde, il y avait 200 personnes selon la presse. Oui. Et il y a quand même une question quand même. Pourquoi est-ce que, il y a une double question. Est-ce que vous arrivez à mobiliser les habitants de Rendu-Fuyer et de Vertenon? Est-ce que... parce que si les politiques, si les deux maires, si je ne m'abuse, suivent le projet, ça veut dire qu'il y a des emplois à la clé aussi, sans doute. Alors, le local, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce que le local suit les deux maires, qui sont de droite. Je les affiche aussi. Ça arrive, oui. Oui, ça arrive encore ça arrive. Et les deux porteurs, en particulier M. Guérin, surtout M. Guérin, c'est un local, hein, ça fait quand même plus de 30 ans qu'il habite là-bas sur le local. Voilà, je pense que son cabinet de, avant il était vétérinaire, hein, M. Guérin. Oui. Son cabinet n'était pas loin, le cabinet de vétérinaire n'était pas loin. Voilà, c'est un local, donc il y a aussi, du coup, mais de par plutôt les politiques, je pense, plutôt que par eux en personne et encore, des pressions qui ont été, qui sont données. Mais ça, c'est courant, hein, c'est pas spécifique à cette région, à ce coin, c'est partout dans les villages, dans les bourg, il y a toujours la pression des politiques, en ville aussi d'ailleurs. Donc c'est compliqué pour bouger la population locale. Si ce n'est qu'actuellement, on sent, moi, surtout moi je le sens puisque je suis derrière, on est plusieurs à être derrière les adresses mail et les pages, la page Facebook et le compte Twitter, on sent et on reçoit plein de félicitations et puis d'encouragement des locaux. On reçoit d'ailleurs là dernièrement, hier encore, j'ai reçu une petite vidéo de la bien travaillée, hein, que je vais bientôt partager, de gens locaux. J'ai reçu des poèmes de gens locaux, des photos, des dessins des locaux que je dois moi partager là maintenant. Parce que avant de partager, je vais savoir aussi, je peux embêter les gens, bien sûr. Bon, je vais avoir leur accord, je vais avoir ça. Mais ils m'envoient tout ça, quoi. La première vidéo, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir. C'est pareil, ce sont des gens locaux qui nous ont fait ça comme ça, ils nous l'envoient comme ça, quoi. Vraiment, on sent quand même qu'il y a que la population locale commence à se rendre compte quand même qu'il y a quelque chose qui se passe là. Oui. Et que on va arrêter de les enfumer pour. Alors, au départ, 50 emplois, hein, qui était vendu pour 50 emplois. On en est arrivé maintenant à 380, si je m'abuse, mais d'emplois directs et indirects. Hein. Alors que la convention qui a été faite en octobre 2019, donc convention avec la région, donc document tout à fait officiel, hein, il y a un engagement de 35 emplois. Ah oui. Voilà, c'est un engagement. Pareil, oui. On va pas dire qu'on veut pas. Hein. On est bien sûr pas contre l'emploi des gens. C'est aussi une zone où qui ne vit pratiquement que sur le tourisme aussi. Hein. Donc c'est aussi une zone où le taux de chômage est assez important. De toute façon, partout le taux de chômage est important maintenant. Mais on va pas non plus dénigrer ces emplois. Hein. C'est compliqué parce que c'est un. Leur deuxième argument, le premier argument, c'est vendre du rêve. vendre de l'émerveillement, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et le deuxième, c'est faire travailler l'économie locale et l'emploi. L'économie locale, quand on sait, comme je vous ai dit aussi tout à l'heure, que le projet est captif, hein, c'est-à-dire que vous allez avoir trouvé dedans, sous le dôme directement, restaurant, petite boutique, hôtel, voilà, boutique, librairie. Ça tourne en vase clos, voilà. C'est tout ça. Tout est là. Ça va tourner en vase clos de toute façon. Hein. Et on ne vend le projet que sur ça, que sur ces promesses d'embauche-là. Voilà. Et la pression, elle est là aussi au niveau local. Ce qu'on comprend, hein, nous, on le comprend bien sûr. Hein, on comprend que les gens aient peur parce qu'il y a l'emploi, éventuellement l'emploi à la clé. On le comprend tout à fait. On a tous quelqu'un qui est demandeur d'emploi. On connaît tous des gens qui, du jour au lendemain, ont perdu leur travail, leur boulot, quoi. Donc, ça, il n'y a pas de souci, on comprend. Et c'est compliqué pour nous. Mais après, nous, on se dit qu'avec autant d'argent public, c'est vraiment rien. Même si c'est 50 emplois fixes ou indirects, c'est vraiment rien au prorata de. On peut en créer bien plus. Avec des solutions alternatives, oui, tout à fait. D'autant plus que la région est au point de vue nature, est très riche. Hein. Il y a quand même plusieurs réserves naturelles dans les environs. Ben, réserves naturelles, il y a trois nièvres dans le coin. Elle est entourée de trois nièvres quand même. Il y a quand même un site naturel du Mille. Il y a quand même de l'écotourisme qu'on peut encore une fois développer autour. 100%. Imperméalisé et artificialisé et bétonné les terres. Ok, oui, je voulais rajouter, c'est quand même dingue pour faire rêver les gens qu'il faut quelque chose d'autant artificiel. Alors que si on, j'imagine que c'est considéré comme ringard des randonnées nature dans le parc sur la côte des Pales, alors que ça pourrait créer énormément d'emplois et éduquer les gens à l'écologie, etc. C'est quand même mieux. Le GEDAM fait déjà un gros travail là-dessus. Hein. Il fait des sorties nature. Il en fait combien une centaine de sorties guidées nature et d'animation dans les vallées de l'Authy, la Canche. Sur le littoral, dans la forêt d'Ardelot. Et il y a d'autres, il y a une association de marcheurs qui va nous rejoindre encore aussi. C'est pareil, ils font de randonneurs, pardon, qui nous rejoint et qui est quand même personne, des randonneurs sont dans notre collectif, hein, mais pas en tant qu'association. Mais là, qui va nous rejoindre aussi. Il y a un énorme travail à faire là-dessus. Les gens du GEDAM, ce sont des spécialistes, hein, ce sont des experts en termes de botanique, d'ornithologie, d'anthropologie. D'études naturalistes, pardon, ce sont des experts dans leur niveau. Non, il y a un énorme travail. En plus, c'est une région très, très riche. Et donc, oui, le problème. C'est quand même aberrant. C'est quand même aberrant que, alors, sous prétexte de protéger c'est expliqué comme ça, hein, le projet Tropicalia, on va protéger les espèces tropicales en danger ici dans le Pas-de-Calais, mais on va le faire en assassinant ce qu'on a ici au niveau local, quoi. Oui, et puis sans comment dire précaution par rapport aux animaux et à la flore et à la faune qu'on importe en plus. Quoi, hein, enfin, je crois que je ne sais plus. On avait l'idée, si tu veux, de pourquoi pas faire une sphère identique au Gabon avec une place en pavé, une baraque à frites et un bistrot. Quoi, c'est voilà, c'est à peu près ça. Quoi, c'est vraiment se foutre du monde. Bon. En plus, par rapport aux animaux et justement dans tout ce qui était risque, l'étude d'impact, il est dit que le promoteur allait stériliser les espèces envahissantes, les oiseaux allaient être réjointés aussi. D'accord. Pour nous, c'est pour les associations de défense des animaux qui font partie du collectif, ça c'est tout à fait antinomique avec la proposition de loi qui vient d'être validée, là, qui vient d'être voté sur la maltraitance animale. Et eux, ils viennent nous dire ça. Ils viennent nous dire ça. C'est quand même aberrant, quoi. C'est quand même... C'est le contraire de ce qui vient d'être voté. C'est quand même formidable, quoi. Oui, effectivement. Mais écoute, Martine, on te remercie d'avoir participé à cette émission. On va essayer de développer un peu avec René maintenant d'autres... c'est quoi un grand projet inutile et imposé? On va essayer de généraliser un peu l'expérience que tu as. Et on te souhaite bon courage et salut de notre part à Attac de la Métropole. Salut le collectif de notre part. Je te remercie bien. Tu renvoies, on peut quand même resignaler la pétition sur Superacteur. Voilà. Vas-y. Donc, c'est Superacteur. Vous avez trouvé l'appel à signature que je vous invite vivement à signer, partager. René aussi nous rejoint sur la page Facebook, mais aussi aller sur le site internet, vous abonner à la newsletter, comme on dit. Vous recevrez les newsletters, mais deux fois par mois, vous ne serez pas assommé avec nos infos non plus. Mais là, ça permet aussi d'avoir tous les documents officiels qui sont en ligne de toute façon. D'accord. Je vous souhaite une belle journée à vous deux, à vous trois. Oui, bonne journée aussi. Merci de m'avoir permis de nous exprimer un peu sur votre radio. Bah, c'était le but. Hein. Oui. Ouais. Merci pour ton intervention. Merci, bonne journée. Merci, René. Allez, au revoir à tous. Ok, alors, donc on va essayer d'un peu généraliser cette... Ce que sont en fait ces grands projets inutiles et imposés. Oui. Donc, je me disais, moi, j'essayais d'être assez bref là-dessus, mais parce que ça m'avait intrigué lorsqu'on a commencé à travailler là-dessus, il y a deux événements qui me sont revenus en tête. L'un concerne les investissements, qu'on peut dire positifs, d'État, qui sont générateurs d'emplois, et l'autre, c'est une contestation radicale, mobilisatrice, contre une décision d'investissement d'État. Alors le premier, ils sont séparés de 40 ans d'État, ces deux événements. Le premier, c'est le New Deal aux USA, la politique keynésienne qui est menée par Roosevelt, et avec des grands travaux, donc de la rivière de la vallée de la rivière du Tennessee, qui a créé des emplois. Là, c'était des emplois directs créés par l'État, ce qui est quand même assez rare. Et mon sentiment, justement, c'est que ces travaux, cette idée de faire que l'État finance des travaux pour créer de l'emploi, est restée vraiment dans la tête de tout le monde. Et donc, ce qui aboutit aujourd'hui à des choses qui sont comme celles de Tropicalia, eh bien, on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas d'emploi dans le projet qu'on monte. Et la contestation, par contre, 40 ans plus tard, c'est les années 70. C'est l'État qui produit des choses qui investissent dans des choses qui sont dangereuses. Évidemment, c'est la centrale nucléaire de Bugey 01, donc dans l'Ain, hein, c'est le 01 de... c'est pas la première année, c'est le département de l'Ain où s'est installée une centrale nucléaire. Et là, il y a contestation d'une décision publique. Donc j'ai rapproché ces deux événements qui me semblaient être assez... à réunir pour comprendre ce que c'est qu'un grand projet. J'irais même que dans les années 70, c'est devenu une contestation au niveau national contre le nucléaire. Absolument. Hein. Absolument. Ce qui n'est pas toujours le cas, c'est peut-être ce qu'on va voir. Alors, pour la petite histoire, parce que j'aime bien les petites histoires aussi, d'où vient cette expression « grand projet inutile et imposé » ? Eh bien, figurez-vous, les amis, qu'elle vient de Belgique. Une émission de la RTBF qui s'appelait Les Grands Travaux Inutiles et qui était animée par quelqu'un qui s'appelle Claude Desfossés, qui a même écrit un bouquin sur les projets inutiles. Et donc, c'est dans les années 80 que cette émission a eu lieu. Et en Belgique, il y avait des raisons de le faire. Je sais pas, pour les plus anciens qui écoutent l'émission, ils se souvenaient peut-être qu'il y avait des routes complètes qui n'arrivaient nulle part ou des ponts qui n'étaient pas terminés à l'époque. Donc, c'était une bonne occasion de les pointer. Et puis, bon, je vais vite. Dans les années donc, 2010, sont apparues cette cette notion de grand projet inutile et grand projet inutile et imposé maintenant, qui désigne des projets en cours, hein, c'est pas des projets finis bien sûr, dont l'utilité est remise en cause par les opposants à ces projets. Donc, une définition qui suppose que le pouvoir public soit en relation toujours avec une technostructure. C'est assez significatif, c'est-à-dire technostructure, on retient l'expression, si vous voulez, qui venait de John Kenneth Galbraith dans Le Nouvel État industriel, qui expliquait que c'est tout un ensemble de gens, de cadres, dirigeants, de subalternes, de techniciens qui participent à une décision. Et donc là, dans une entreprise, mais là, pour des choses locales, on est un peu plus, on est un peu plus large comme définition. Et cette notion de grand projet industriel est inutile, je l'ai déjà dit avec la Belgique, elle va s'internationaliser très vite et elle va être créée, ce ne sera pas du tout le hasard, va être créé un forum social des grands projets inutiles dont le deuxième numéro, dans la deuxième séance a eu lieu à Notre-Dame-des-Landes, ça doit vous dire quelque chose. Allez, j'ai retenu dans l'explication cette phrase de Gus Macia. Ce forum contre les grands projets inutiles et imposés est construit à partir de la nouvelle culture politique qui imprègne les initiatives et les mobilisations bien au-delà du processus. Les activités organisées, auto-organisées, la recherche de formes d'autorité qui ne reposent pas sur la hiérarchie, la diversité dans la convergence des mouvements en sont les références admises. C'est-à-dire qu'on est bien dans un système où ce sont les associations en collectif et sans hiérarchie précisément qui s'opposent à ce type de projet. René. Je dirais aussi que peu à peu, hein, si au cours du XXe siècle, puisqu'on a parlé là des années 30, les gens se sont aperçus petit à peu. Au début, il y avait quand même cette idéologie du progrès, du toujours mieux qui dominait. Et peu à peu, ils se sont rendus compte que ces grands projets ne correspondaient pas et de moins en moins à leurs attentes. Donc, fatalement, la contestation est montée, quoi. Ça peut aussi être une explication. Bah, effectivement, c'est exactement les problématiques autour des centrales nucléaires. Tout à fait, oui. Hein, qui est quand même quelque chose auquel certainement les populations ne sont pas invitées à discuter. Alors, je crois qu'on a tiré, mais on a des exemples, et l'exemple de Tropicalia est intéressant de ce point de vue-là, si vous voulez. C'est que on peut tirer un certain nombre de caractéristiques des grands projets inutiles et imposés. Et ça a été consigné, ça, dans la charte de Tunis en 2013. Oui. Tu en dis un mot, René ou... Oui. En conclusion de cette charte, on peut dire qu'on a constaté que... Ces projets constituent pour les territoires concernés un désastre écologique, socio-économique et humain. Il y a donc destruction de zones naturelles, de terres agricoles, de patrimoine bâti et de nuisances, bien sûr, pour les populations locales aussi, pour l'environnement aussi. Ils n'intègrent jamais la participation effective de la population, qui est souvent soit complètement ignorée, soit amenée à se prononcer, mais comme on l'a vu au cours de réunions publiques, qui n'a rien à dire, quoi. Simplement, voilà. Voilà. Confetteur quelquefois par la violence, d'ailleurs, quand même. Oui. N'oublions pas, enfin, c'est quand même des phénomènes comme ça. Mais je pensais aux réunions publiques, notamment des projets d'urbanisation, où on invite les habitants du quartier, mais où tout est déjà ficelé. Oui. Voilà. Voilà, effectivement, donc on a les constantes, hein, un financement public. Alors, on me dira Tropicalia, c'est pas qu'un financement public, mais il y en a, et ça suffit pour le dénoncer comme un grand projet inutile et imposé. On peut dire que de plus en plus, et notamment que l'apparition des partenariats publics-privés, de plus en plus des investissements, enfin les pouvoirs publics sont toujours porteurs du projet, mais c'est souvent au bénéfice d'un d'investisseurs privés. On le voit pour... l'exemple, c'est Amazon. C'est souvent les élus qui mettent à disposition un terrain pour que Amazon puisse s'implanter. Exemple parmi d'autres. Hein. Absolument, oui, bien sûr. Alors, on a fait. Il faut quand même rendre hommage ici à Reporter que tu as cité tout à l'heure, René, parce que je disais dans l'introduction qui compte. Eh bien, Reporter compte les projets, les grands projets inutiles et imposés. Il en compte à peu près 272 en France, si mes souvenirs sont exacts. Et il y en a une dizaine dans la région Nord-Pas-de-Calais. Je n'ai pas vu dans la Picardie. Tout à fait les Hauts-de-France. Donc, il y a Tropicalia, bien sûr. Il y a le parc d'activités de Marquis. Alors là, c'est l'artificialisation des sols dans les deux cas. Il y a bien sûr la friche Saint-Sauveur, là on est engagé dedans, effectivement. Il y a l'extension du golfe de Marly, alors là, c'est de la provocation quasiment. Hein. On va supprimer des jardins ouvriers pour faire un golfe, pour étendre un golfe. Enfin, on arrive à mal le croire, quoi, quand même. C'est la guerre des classes, non? Peut-être. On dirait un projet de l'église de la très sainte consommation. Hein. Oui. Bah oui, je trouve que c'était pas assez grand peut-être. Donc il y a aussi ce scandale de l'usine à Pelée à Anor, c'est-à-dire des boulettes de bois pour le chauffage. Ah oui. Qui permet de détruire une partie de la forêt, quoi. Et donc des chênes, des hêtres, des bouleaux ont été supprimés. On peut même dire, mais je dirais vraiment du bout, comme si vous l'écoutez pas, hein, y aurait peut-être aussi quelque chose qui serait de l'ordre je me trompe de sujet. J'allais dire qu'il y a de l'enquête publique là-dedans. Oui, il y a une enquête qui était favorable. Il y a des recours au tribunal administratif. Au sujet des enquêtes publiques, il faut quand même savoir que les commissaires enquêteurs sont très, très encadrés. Ils ne peuvent pas dépasser un certain pourcentage d'avis défavorables. Je vous dis ça en passant. Je terminerai là-dessus, sur la ferme des 1000 vaches, là, qui est à peu près quand même un succès remporté par Novicène. Et je terminerai sur la surexploitation de la forêt de Mormal, là, qui est un véritable scandale, hein, puisque là, on détruit des forêts entières pourquoi, on ne sait plus bien, pour réduire en particulier la dette de l'ONF. Et donc, on peut retrouver tout ça sur le site Reporter. Alors, c'est écrit, pour ceux qui ne connaissent pas, Reporter, oui. Comme la Terre. Hein. Voilà, c'est ça. Très précieux site. On va s'arrêter là, ouais. Et on va passer une pause musicale choisie délicatement par Florent. Savoir à quoi ressemblera le monde dans 10 ans. Asseyez-vous sur mon divan, je sors ma boule en cristal durable. Voilà le tableau du futur probable. On aura des centrales nucléaires durables qui produiront des déchets atomiques durables. On aura des ghettos durables, des CRS durables, une politique ultra sécuritaire durable avec des puces RFID durables partout. Tout sera fiché dans des data centers durables. Les incinérateurs d'ordures durables valoriseront les déchets en dioxine durable, sur des millions d'hectares de monoculture durable, de toutes les surfaces de terres cultivables, des pays en voie de développement durable, il n'y aura que du soja OGM durable, pour faire le biocarburant des 4x4 durables, qui sur des 4x4 voies éco-compatibles, autour des mégapoles éco-responsables, vont faire monter l'effet de serre durable. C'est le blabla durable des communicants minables, des publicitaires experts en greenwashing. La machine. La sécu, les retraites, c'était pas durable. Les services publics non plus, c'était pas durable. On va plutôt investir dans les tasers durables. Et les pauvres, on les mettra dans des prisons durables. On va mettre aux frontières des barbelés durables. On va expulser Mbaye en charter durable. On aura que des mutuelles chères, mais durables. Pour nos Alzheimer durables, nos chimios durables. On continuera à mettre nos milliards durables dans les budgets colossaux de nos armées durables. Grâce auxquelles on maintiendra des dictatures durables. Pour continuer en Afrique le pillage durable. Déforestation, désertification durable. Tous les ingrédients d'une bonne famine durable. À les entendre polluer moins, c'est sauver la terre. Voilà l'équation, cherchez l'erreur. C'est le blabla durable des communicants minables. Des publicitaires experts en greenwashing. On va faire des déchets de plutonium vitrifié qui vont durer 20 millions au lieu de 30 millions d'années. On va mettre des géraniums sur les radars. On va chanter tous ensemble. No more marée noire. No more marée noire. No more marée noire. Donc c'était Blabla durable de Duval MC. Alors René. Oui, alors les activités d'attaque. D'abord au plan national. Alors, le 30 janvier, journée de mobilisation contre Amazon à Fournes et ailleurs. Des rassemblements ont été organisés contre l'implantation d'Amazon en soutien à la manifestation de Fournes, petit village médiéval situé à proximité du pont du Gard, qui, je le rappelle, est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. À Fournes, la manifestation a rassemblé près de 1500 personnes et des centaines d'autres un peu partout en France, notamment à Perpignan, Metz, Clermont-Ferrand, Bourges, Nantes, Quimper, Senlis et à Lille. Et à Lille. Cette journée de mobilisation a été largement relayée dans les médias. Évasion fiscale, ce que le scandale OpenLux nous apprend du capitalisme français. OpenLux, peut-être le savez-vous, mais vous le savez maintenant, est une enquête lancée par Le Monde sur la face cachée du Luxembourg. Elle confirme que l'évasion fiscale est pratiquée de manière systématique par les ultra-riches et les entreprises multinationales et apporte un éclairage nouveau sur le capitalisme français dont les fleurons sont massivement présents au Luxembourg. Tiens, comme c'est curieux. Elle nous apprend que 37 des 50 familles françaises les plus fortunées ont un compte offshore au Luxembourg. Et également que 29 des 37 groupes du CAC 40 ayant leur siège en France sont aussi présents au Luxembourg. Vraiment, il y a des coïncidences. Par le biais d'au moins 166 filiales, la plupart ne correspondant à aucune activité commerciale, on parle de boîte aux lettres. Pourtant, alors que Le Monde a publié des articles toute la semaine sur ce nouveau scandale, la plupart des médias français sont restés silencieux sur cette affaire. C'est vraiment très étrange. Comment expliquer cet oubli? Vous avez peut-être la réponse vous-même d'ailleurs. Oui, et l'on peut mettre en lien l'article qui va suivre, qui doit payer la dette Covid. Le gouvernement a nommé une commission sur l'avenir des finances publiques, présidé par Jean Arthuis, ancien ministre des Finances de Jacques Chirac. Son mandat est de faire des propositions sur la façon de rembourser la dette Covid, sans augmenter les impôts, grâce à une gestion plus rigoureuse des dépenses publiques et des réformes structurelles. Pour attaque, le mandat donné à cette commission indique clairement une volonté d'en rester aux politiques néolibérales, fondées sur l'austérité budgétaire, et dont les effets dévastateurs sur le système de santé et sur les inégalités sont apparus clairement à l'occasion de la crise sanitaire et sociale causée par la pandémie. Et oui, c'est Dominique Plion qui a écrit un texte qu'on retrouve sur le site d'Attaque, évidemment. En conclusion, citons Raphaël Prado, porte-parole d'Attaque. De point ouvre les guillemets, les nouvelles révélations sur l'évasion fiscale pratiquée massivement par les plus riches et les multinationales confirment qu'il serait injuste de demander des efforts supplémentaires aux premiers de corvée, comme on a pu dire, quand ceux qui peuvent le plus contribuer à l'impôt y échappent. Plutôt que de vouloir faire des économies sur les allocataires des APL, les chômeurs ou les étudiants, le gouvernement devrait lutter vraiment contre l'évasion fiscale et faire payer à chacun sa juste part d'impôts. Et on avait oublié les étudiants aussi qui sont sanctionnés sérieusement. Oui, tout à fait. Et maintenant, La France est-elle en train de se rallier à l'accord Union européenne-Mercosur ? Bah ouais. Selon un document de travail émanant du ministère du Commerce extérieur, la France semble accepter de sauver cet accord controversé, aux côtés de la Commission européenne qui, elle, s'y emploie avec détermination. Sous couvert de contreparties qui ne changent pas l'économie générale de cet accord inacceptable, la France accepte de ne pas rouvrir la négociation sur le contenu de ce traité. Le collectif national Stop CETA Mercosur appelle le gouvernement à abandonner son double discours consistant à dire non à Paris et à négocier à Bruxelles pour sauver l'accord. Il reprendra dans les jours prochains ses actions de mobilisation en ce sens. Au plan local, samedi 30 janvier, rassemblement en soutien à la manifestation de Fournes, bien sûr. Oui. Malgré la pluie, nous étions une quinzaine de militants et de militantes des trois comités locaux de la métropole, rejoints par quelques militants d'Exer. Nous avons occupé la place des Buisses, devant la gare de l'île Flandre, pour environ une heure, avec des prises de parole et des pancartes. Et le samedi 6 février, c'était donc à Tropicalia, rassemblement à Rang-du-Flier. Eh bien, les trois comités locaux attaques de la métropole étaient représentés par plusieurs adhérents à ce rassemblement qui a mobilisé, comme on l'a dit au cours de l'émission, plus de 200 personnes, plusieurs associations et des formations politiques. Agir contre les réintoxications du monde, troisième journée d'action après le 17 juin et le 17 novembre 2020, l'organisation lance une troisième journée nationale d'action pour la préservation de l'environnement et contre les grands projets inutiles et imposés. On est complètement dedans avec l'émission, donc. Oui. Ce sera le 17 avril 2021. Les trois comités auto-attaques, les trois comités locaux attaques de la métropole et le collectif Parc Saint-Sauveur sont signataires de l'appel et projettent une action contre le projet d'urbanisation de la friche Saint-Sauveur, ainsi que contre les grands projets industriels de la région, Tropicalia bien sûr, le forum Agora, l'extension de l'aéroport Lille-les-Quins, le parc d'activités de Dilly-Marquilly, la plateforme logistique des web, qui est la plateforme logistique des web. Rendez-vous donc le 17 avril, on aura l'occasion d'en reparler à l'émission du 20 mars. Oui, et pour finir, alors, parc, fête la friche. Alors, ce samedi, des animations sur le Belvédère. Alors déjà, à 11h, bon, c'est passé, mais je vous le cite quand même, un chantier, construction d'une petite serre, finalisation du jardin mandala et préparation de la mare. À 14h, là vous pouvez y aller, promenade sur le Belvédère et identification, repérage des végétaux plantés. Et à 14h30, promenade urbaine interactive à la découverte du patrimoine muraliste lillois, c'est-à-dire les fresques murales. Du boulevard Jean-Baptiste Lebas à la rue de Cambrai, en passant par la rue de Maubeuge, bien sûr, dans le quartier de Moulins. Le quartier de la Friche. Eh bien, je ne pourrais pas terminer sans dire un mot. Peut-être Florent, tu voulais ? Non, il faut conclure, c'est tout. Je conclue donc rapidement avec un soutien à l'église de la Très-Sainte Consommation, qui a besoin d'argent, vous imaginez bien, les tournées annulées ou des choses comme ça. Vous pouvez les soutenir financièrement, l'église de la Très-Sainte Consommation, par Hello Asso. C'est un site de financement sécurisé. Et pour financer aussi le film et la cérémonie des Doigts d'Or qui sera filmée. Donc, pour vous retrouver, c'est www.consomme, temps de l'impératif, consomme.org. En fait, vous pouvez louer la vidéo, c'est ça. Merci. Et puis je rajoute, Zad partout. Oui. on finit avec, parce qu'on s'en lasse pas, un morceau de Guy Edré, Sac plastique, son dernier. Il faut pas jeter son sac plastique dans la nature. Pas jeter son sac plastique dans la mauvaise benne à ordures. Il faut pas jeter son sac plastique sur la plage. Mais alors on en fait quoi de son sac plastique après usage? Pour se débarrasser de son sac plastique sans polluer la terre, c'est manière. Trouver quelqu'un d'important, quelqu'un qui prend des décisions. Par exemple, le ministre de l'Environnement. Et faites-le asseoir dans votre salon. Faites-lui ouvrir la bouche en grand et demandez-lui de dire ah. Mettez-y tous vos sacs plastiques dedans. Tassez un peu si ça rentre pas. Il faut pas jeter son sac plastique dans la forêt. Il faut pas jeter son sac plastique. Ça met 400 ans à se décomposer. Il faut pas jeter son sac plastique par la fenêtre. Mais s'il faut pas jeter son sac plastique, alors où le mettre? Pour se débarrasser de son sac plastique sans polluer à gogo.